Bonjour. Je vous propose une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 25 octobre 2008 avec Jean-Jacques Courtine, mon invité, et qui s'intitule « Le mensonge en politique ». Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940. Point de départ, cette femme, Monica Lewinsky, stagiaire à la Maison Blanche en 95. Elle aurait eu à l'époque, selon la presse américaine, une relation sexuelle avec le président. Hier soir, en direct à la télé, Bill Clinton a vigoureusement démenti. Je voudrais dire que je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Parmi tous les sujets que nous traitons ici, il en est parfois dont l'actualité n'est pas fugace, mais en somme permanente, si bien qu'en vérité, il pourrait surgir à ce micro à n'importe quel moment. Je me faisais cette réflexion l'autre jour en exhumant de ma bibliothèque un opuscule réédité l'an dernier et que j'avais laissé écraser entre deux gros dictionnaires. Il s'intitule « L'art du mensonge en politique » et il est signé de Jonathan Swift, l'auteur de « L'immortel Gulliver ». Il a été publié pour la première fois en édition française à Amsterdam en 1733. Il recouvre son ironie d'un sérieux imperturbable, ce qui lui confère, au-delà de tous les prêchis-prêchats, une remarquable modernité. Sur le mode satirique, ce petit livre pose une question simple et brutale qui est de tous les temps, donc d'une autre. Faut-il tromper le peuple pour son bien? Et si oui, comment l'abuser? Jean-Jacques Courtine, professeur à la Sorbonne, à Paris 3, ayant fait précéder la récente réédition d'une préface pénétrante et subtile, je l'ai invité ce matin à venir débattre avec moi de la pertinence contemporaine de ce petit livre qui définit les lois d'un mentir vrai qui serait indispensable à l'éducation des princes, y compris en démocratie. Entre réalisme et cynisme, entre franchise et dissimulation, nous allons donc considérer, à partir de quelques épisodes récents, et sans nous interdire de sourire, les avantages et les inconvénients du travestissement de la vérité dans le gouvernement des hommes. Pourquoi mentir ? Pourquoi ? Pourquoi n'oses-tu pas me dire ? Lave de cache ton sourire, je le devine malgré toi. Dans ton baiser, dans ton étreinte, je sens la peur et la contrainte. Dans tes yeux jolis d'une crainte, pourquoi mens-tu? Pourquoi? Tu m'appartiens sincèrement, tu me le jureras l'instant même. Mais si tu me dis que tu m'aimes, tout en toi me dit que tu mens. Qu'importe à présent mon amour, dont cruellement tu t'amuses. Mais ne crois pas que tu m'abuses. Va, je devais savoir un jour pourquoi mentir, pourquoi, pourquoi n'oses-tu pas me dire l'âme te cache ton sourire, je le devine malgré toi. Dans ton baiser, dans ton étreinte, je sens la peur et la contrainte. Dans tes yeux, je vois d'une crainte. Pourquoi pourquoi mens-tu? Et pourquoi nous allons changer de chemin? Tu pourras mieux vivre ta vie, le destin de que l'on oublie, notre soir fut sans lendemain. Ne pleure pas, pourquoi mentir? Tes larmes ne sont pas sincères, crois-tu qu'il est bien nécessaire de me jouer le repentir? Pourquoi mentir? Pourquoi? Pourquoi non de tu pas me dire l'aveu que cache ton sourire? Je le devine malgré toi, dans ton baiser, dans ton étreinte, que je sens la peur et la contrainte. Dans tes yeux, je lis d'une crainte. Pourquoi mens-tu? Pourquoi? Jean-Jacques Courtine, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu « Ah, pourquoi mens-tu ?» une chanson de Lucienne Boyer sur des paroles et une musique de Jean Lenoir, 1931. Je crois que vous pourrez considérer que Lucienne Boyer peut aussi incarner Marianne et tout pas à seulement fait. L'amoureuse en face de l'homme politique. Tout à fait, on dirait une complainte de la République, la complainte éternelle de la République vis-à-vis des hommes politiques. Et c'est pourquoi je voulais donner à entendre. Je voudrais que vous nous précisiez un peu ce que ce petit livre que vous avez préfacé, L'art du mensonge. C'est un livre, mais c'est plutôt une brochure qui est effectivement parue en 1733 à Amsterdam, en français, sous le titre L'art du mensonge politique. Il a été d'emblée attribué à Jonathan Swift, on ne prête qu'aux riches, surtout sur ce terrain de la parodie qui lui était si familier. C'est en fait une brochure qui proposait en souscription deux volumes à acheter avant la Saint-Hilaire, deux volumes portant sur le mensonge politique d'un auteur qui lui est resté anonyme. Donc c'était une assez bonne entrée en matière pour discuter de notre sujet. Une brochure attribuée à Swift, parue en français à Amsterdam, proposant deux volumes qui n'ont d'ailleurs jamais vu le jour, d'un auteur anonyme. Vous dites qu'il est un maître de l'ironie et de la parodie. Il y a aussi ces fameuses instructions aux domestiques qui sont restées fameuses. Absolument, les instructions aux domestiques et la question de savoir comment bien voler ses maîtres, les manières de faire rôtir les enfants irlandais pour résoudre le problème de la pauvreté en Irlande, etc., etc. Donc nous savons que nous allons pénétrer dans un monde où le mensonge sera considéré avec une sorte de fausse tendresse. Et là, on est en plein en contradiction avec tous les auteurs qui n'ont pas cessé au cours des âges de moraliser. Je me suis amusé à regarder l'article, l'entrée mensonge dans le grand dictionnaire de Larousse, qui, à la fin du Second Empire, nous offre un moralisme républicain. Voici quelques-unes des citations qu'il nous donne. Le mensonge ne peut jamais être excusable, quelques fins et quelques motifs que se propose celui qui ment. Ça, c'est Fléchier, le fameux orateur sacré. Le mensonge est toujours odieux quand on en profite. Kant. Ce qu'on gagne par le mensonge en réputation d'habileté, on le perd en considération. Chateaubriand. Le mensonge est l'assassinat de l'intelligence. Proudhon. Le mensonge fut toujours abhorré du genre humain. Lacordaire. Alors, on a là une espèce de litanie, effectivement, de protestation vertueuse qui se situe exactement en face de Swift. Ah oui, tout à fait. On se demande d'ailleurs pourquoi tant de réprobation, sinon bien sûr pour soupçonner des origines chrétiennes à toute cette affaire. Ce n'est pas du tout le propos de Swift. Du coup, la question serait plutôt, non pas pourquoi les hommes politiques mentent-ils, mais pourquoi diraient-ils la vérité après tout, hein? Parce que si on se fonde sur ce qu'on sait du moment où la politique est apparue, s'est détachée de la religion chez Machiavel en particulier, il est clair que le mensonge est partie intégrante de ce conflit des forces, des intérêts et des passions, où il repère l'émergence de la politique sur son état moderne. C'était le précepte absolu du décalogue dans la Bible, tu ne mentiras pas. Absolument. Et en même temps, dès la Bible, on voit aussi des personnages comme Jacob, Joseph, etc., qui ne sont pas faits faute de mentir. Absolument. Mais il faut, disait Machiavel, cette nature, savoir la colorer et être grand simulateur et dissimulateur. Et les hommes sont si simples, ils obéissent si bien aux nécessités présentes, que celui qui trompe trouvera toujours qui se laissera tromper. À un prince, il n'est donc pas nécessaire d'avoir toutes les susdites qualités, mais il est bien nécessaire de paraître les avoir, comme de paraître pitoyable, fidèle, humain, généreux et de l'être. Mais d'avoir l'esprit édifié de telle façon que s'il faut ne point l'être, tu puisses et saches devenir le contraire. Voilà une belle épigraphe, probablement mieux adaptée que celle que je vous ai proposée à la conversation que nous allons avoir. Et en d'entrée de jeu, il faut entendre un des plus grands menteurs contemporains des démocraties actuelles, c'est-à-dire George W. Bush. Dans le texte original, j'avais écrit l'axe de la haine. Mais écrire pour le président des États-Unis, c'est comme écrire pour une super production hollywoodienne. Vous écrivez avec vos propres mots, puis votre texte passe de bureau en bureau, un immense circuit. Vous corrigez, vous retravaillez avec d'autres personnes, comme pour un personnage de film de fiction. Vous vous dites, que dirait George Bush à ce sujet? Vous essayez d'assimiler sa façon de penser, de parler, ses valeurs, ses sentiments, pour pouvoir dire à sa place ce qu'il aurait dit s'il avait eu le temps de l'écrire. On m'avait demandé, si le président voulait étendre la guerre au-delà de l'Afghanistan, comment vendrait-il ça aux Américains? Pouvez-vous nous donner un exemple de ce qu'il pourrait dire? J'ai donc écrit une page ou deux sur le sujet, et mon texte a été à l'origine du discours sur l'Irak. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. These regimes pose a grave and growing danger. The price of indifference would be catastrophic. Nous avons entendu d'abord Jean-Jacques Courtine, nous avons entendu le nègre du président Bush et ensuite les propos désormais historiques et fameux du président des États-Unis parlant de l'axe du mal et disant que le régime de Saddam Hussein se procurait des armes de destruction massive. Il y a d'ailleurs beaucoup d'autres propos où il dit qu'il les a. Et c'était un extrait du film de William Carell, Le Monde selon Bush, qui avait eu un grand succès en 2004, qu'on peut se procurer en DVD. Oui, effectivement, on est véritablement là sur le terrain du mensonge politique le plus contemporain, ce qui nous fait un lien avec ce qu'on disait précédemment et la concordance des temps qui semble être véritablement au cœur même du mensonge. Je relève quand même que, en ce qui concerne non pas Bush, mais son ghost writer, c'est-à-dire son nègre, comme vous disiez, la question qu'il posait était comment vendre l'axe du mal aux Américains. Et dans ce comment vendre, il y a déjà une part, bien évidemment, du problème. Dans sa transposition contemporaine, il est clair que le discours publicitaire et la sphère de la consommation de masse, en tant qu'elle a recouvert le discours politique, a été quand même un des grands laboratoires du mensonge politique le plus contemporain. Mais j'imagine qu'on y reviendra. C'est ce qui fait de notre siècle, dites-vous, le siècle d'or du mensonge. Le siècle d'or du mensonge, sous ses deux formes. Au temps de Swift, c'était encore un artisanat. Oui, quelque chose d'assez primitif, du bouche à oreille, de la petite calomnie, des bruits qui couraient. Mais on est passé depuis, bien évidemment, à toute autre chose. Notre siècle, enfin, il me semble que c'est indéniable, on ne peut pas lui contester ça, a été l'âge d'or du mensonge politique. Il y a mis des moyens, une inventivité, une dimension surtout, qu'on n'aurait jamais pu penser, auxquelles les inventions swiftiennes sont véritablement étrangères. Sinon, qu'elles l'annoncent. Il y a un autre auteur au quoi vous référez dans votre réflexion sur l'ouvrage signé de Swift, c'est Balthazar Gracian, l'homme de cour. Oui, le plus grand art est de savoir dissimuler, disait-il. C'est vrai que dans les formes que la politique a pu prendre sous l'Ancien Régime et généralement dans l'État monarchique, c'est dans la cour que la question du mensonge se pose. Parce que il disait même que oui. C'était la science la plus utile. Absolument. Le plus grand usage, l'art de dissimuler, penser à la politique. Dans l'État monarchique, le roi ne ment pas, parce que de toute façon, le roi ne parle pas. Il suffit de paraître, et le corps de Dieu s'incarnant en lui, l'effet, en quelque sorte, se produit tout seul. Mais par contre, à la cour, là, oui, règne le mensonge, la dissimulation, l'intrigue. Ça a été véritablement un lieu où la question, à la fois de la dissimulation, je pense à Gracian et à sa théorisation de ça, ou sa réprobation, on pense à La Bruyère, la Rochefoucauld, les moralistes, a trouvé vraiment à s'exprimer. Un mot sur Gracian, si vous voulez bien. Quelque chose que j'ai trouvé qui est assez ancien, mais qui me fait penser à beaucoup de personnages politiques contemporains. Ce qu'il appelle l'homme adroit. L'homme adroit emploie pour arme les stratagèmes de l'intention. Il ne fait jamais ce qu'il montre avoir envie de faire. Il mire un but, mais c'est pour tromper les yeux qui le regardent. Il jette une parole en l'air, et puis il fait une chose à quoi personne ne pensait. S'il dit un mot, c'est pour amuser l'attention de ses rivaux. Et dès qu'elle est occupée à ce qu'il pense, il exécute aussitôt ce qu'il ne pensait pas. Et puis, quand son artifice est connu, il raffine sa dissimulation en se servant de la vérité même pour tromper. Son artifice est de n'en avoir plus. Et toute sa finesse est de passer de la dissimulation précédente à la candeur. Voilà, à la candeur. Oui. Vous allez laisser nos auditeurs mettre des noms? Absolument. Ou bien vous allez en risquer quelques-uns? Absolument. Moi, je pensais... J'ai pour lui une sorte d'infection au président Mitterrand, je ne sais pas pourquoi, sur la manière quand même dont il a su se servir de la dissimulation à certains moments. Je pense à la manière dont il a, par exemple, gardé un long silence avant sa deuxième candidature en 88. Avant de paraître à la télévision et de laisser un bref silence avant le moment de dire « oui, n'est-ce pas, sur vous, quand oui, oui ». Quand on parle des souverains, on parle aussi du peuple, bien sûr. Et une des affirmations de ce petit livre, c'est que le peuple, je cite, n'a aucun droit sur la vérité politique. Oui, c'est qu'il n'a pas le droit véritablement au monopole ou à la fabrication, qui est l'apanage des ministres et de ceux qui le gouvernent, pour qui se pose la question, comment et pourquoi fabriquer ces faussetés salutaires. Mais par contre, le peuple peut répliquer, par la calomnie en particulier. Même s'il n'a pas le monopole de ça, il a quand même un droit ou un privilège qu'il entend faire respecter. Donc tout le monde ment. Les ministres mentent au peuple, et le peuple calomnie les ministres. Voilà l'idée que Swift se fait des échanges mensongers dans la politique de son temps. On découvre vite que parler de mensonges, c'est aussi parler de secrets et que c'est parler de rumeurs. Parler de rumeurs. Le peuple est comme ce personnage de La Fontaine qui est de glace aux vérités et de feu pour les mensonges. Absolument, absolument. Alors Swift va en plus un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il fait une sorte de parodie des arts de gouverner, des miroirs du prince, en disant bon, tout ça c'est bien beau, le mensonge existe, il fait partie même de la politique, mais comment faire de ça un art? Comment édicter des règles? Alors, il dit qu'il faut plus d'art pour convaincre le peuple d'une vérité salutaire. Absolument. Que pour lui faire accroire une fausseté salutaire. C'est plus difficile de dire la vérité au peuple, c'est mais regardez la situation économique dans laquelle on est. Est-ce que quelqu'un voudrait vraiment savoir la vérité là-dessus? Franchement. À supposer qu'on le puisse, dans cet extraordinaire imbroglio. Comme disait Victor Hugo, je ne sais pas comment cette pauvre Clio pourra s'y retrouver dans cet imbroglio. Mais si vous y parvenez, je vous en félicite. Ce n'est absolument aucune idée. Ce que je sais, par contre, en ayant lu Swift, c'est que il y a un certain nombre de règles qui pouvaient s'appliquer hier et qui pourraient, après tout, s'appliquer aujourd'hui. Par exemple, on peut essayer le mensonge de calomnie, dit-il. Alors là, il s'agit de rabaisser ou de faire descendre le prestige ou la crédibilité d'un homme politique. Ou bien, on peut, par un mensonge d'addition. Addition, c'est augmenter les mérites de quelqu'un qui n'en a guère. Et il y a une autre forme, c'est le mensonge qu'il appelle de translation. Il s'agit de prendre les qualités de l'un et de les transposer sur l'autre. Là aussi, bon, tout rapport avec des personnages politiques contemporains, bien évidemment, peut être imaginé. Il doit être plus agréable, si on est un homme politique, d'être victime d'un mensonge d'addition que d'un mensonge de calomnie. Oui, absolument. Alors, Swift, en plus, avec ses amis, il avait constitué, l'ironie est allée jusque-là, une société des menteurs. Société de menteurs. C'est-à-dire qu'il proposait, effectivement, de regrouper les menteurs, de manière à avoir une force de frappe mensongère plus importante. Alors, on peut songer que c'est la première forme que les partis politiques, après tout, ont pu connaître. Et il avait des règles très strictes. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment choisir ses collaborateurs de façon draconienne, ceux en particulier qui se trouvaient se troubler ou rougir au moment où un mensonge devait être dit ou écouté. Un mauvais menteur. Impitoyablement chassé de la société de menteurs en question. Mais dis donc, vous avez une vision des partis politiques qui me paraît assez spécifique. C'est Swift. Celle de Swift ou c'est la vôtre, Jean-Jacques Courtine? C'est celle de Swift, mais bien évidemment, le danger, ça serait le cynisme. Or, vous êtes protégé contre le cynisme, rassurez-nous. Absolument, oui. La lecture de Swift m'a immunisé. Mais il y a quand même quelque chose qui mérite, une question qui mérite d'être posée, c'est que, après tout, qu'est-ce qui produit le cynisme? Est-ce que c'est cette attitude un peu distante vis-à-vis du mensonge, qui le considère comme partie prenante de la vie politique, qui n'appelle pas à une morale politique qui viserait la transparence? Est-ce qu'il n'y a pas plus de danger à croire ou à appeler un règne de la vérité? Parce que quand même, il me semble me souvenir qu'il y a des politiques qui sont fondées sur ce principe, sur le principe suivant, ils mentent tous, je vais vous dire la vérité. Et quand ces politiques-là rentrent en application, généralement ça tourne assez mal. Le texte de Swift ne permet guère cette dérive-là. C'est en ce sens-là que je lui trouve quelque chose de salvateur, je dirais, par rapport à la question qui nous occupe ici. Par une sorte de crainte qui serait la vôtre d'un excès de transparence. Oui, oui. Vous méfieriez du panoptique de Bentham, par exemple, qui imaginait... Du panoptique de Bentham, ou bien de ces règnes de la vertu, ou bien de ces règnes de la transparence, que, oui, bien sûr, hein, dans l'histoire, les moments autoritaires dans un certain nombre d'histoires de certain nombre de pays, ou les moments totalitaires, hein, bien évidemment, ont promu avec ardeur. Hein. C'est ce qu'on retrouve naturellement dans George Orwell, 1984, ce ministère de la vérité qui est tout à fait un ministère du mensonge. Tout à fait. Alors, puisque vous parlez de régime totalitaire, nous allons en effet parler de ceci d'abord, puis ensuite on en reviendra à la démocratie. Et il y a un mensonge qui demeure... vraiment exemplaire dans les couleurs du sinistre, c'est le massacre de Katyn. Katyn en Pologne, ce massacre où plusieurs dizaines de milliers d'officiers, l'élite vraiment du pays, ont été massacrés par les soviétiques. Et pendant longtemps, la propagande de l'URSS a réussi à faire croire que c'était les Allemands eux-mêmes qui avaient commis cet acte-là. Dès 1943, les Allemands ont expliqué que c'était la responsabilité des Rouges. Et je vais vous faire entendre un extrait de la radio de ce moment-là qui raconte la visite de l'ambassadeur Fernand Brinon et de Robert Brasillach, l'écrivain, qui, au nom du maréchal Pétain, viennent voir les tombes fraîchement ouvertes où ces malheureux ont été ensevelis. Chers auditeurs, nous vous présentons aujourd'hui un reportage entièrement réalisé dans la forêt macabre de Katyn par Roger Bretcher, collaborateur politique de La Voix du Rhin. À l'occasion de la visite de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de Brinon, à la Légion des volontaires français sur le front de l'Est, le premier reportage radiophonique a pu être réalisé. Nos auditeurs se rendront compte sans mal, malgré les imperfections techniques inévitables en de tels lieux, de l'émotion des personnalités françaises devant l'horrible menace que présente la GPU. Que tous les Français comprennent la terrible menace qui se dégage de ce bestial anéantissement de plus de 12 000 officiers polonais et qu'ils comprennent quel serait le sort de la France si l'armée rouge envahissait l'Europe. Cette Europe qui ne serait plus alors qu'un immense Katyn. Nous sommes actuellement dans une tombe ouverte, une tombe creusée par la GPU. Une odeur absolument effroyable règne. Monsieur Brasillach, mes chers auditeurs, j'ai à côté de moi Robert Brasillach, rédacteur en chef de Je suis partout, et je vais lui demander ce qu'il pense de ce qu'il vient de voir, de l'horreur du charnier de Katyn. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit avant moi bien son excellence ambassadeur de Brinon. Il faudrait que les incrédules viennent voir. Nous étions le 6 juin 1943 dans la forêt de Katyn. Brasillach et Brinon vont tous les deux être fusillés 2 ans plus tard après la libération. C'est le début de l'histoire d'un mensonge. Quand j'étais au lycée, on nous apprenait encore dans nos manuels d'histoire, n'est-ce pas Jean-Jacques Courtine, que le massacre était dû aux Allemands. Absolument. C'est une situation tout à fait orwellienne que celle de Katyn, c'est-à-dire de l'affrontement de deux appareils de propagande qui vont échanger pendant très longtemps des mensonges à ce sujet. Les charniers, effectivement, de Katyn sont découverts par les Allemands en 1941-1942. 15 000 Polonais, membres des élites, avaient été massacrés en 1940. Hein, 15 000 au moins, probablement. Au moins 15 000. Bien évidemment, dès que les Allemands découvrent les charniers, ils en accusent immédiatement les Russes, qui eux-mêmes en accusent les Allemands, qui ensuite ont l'air de se raviser et qui en accusent les Juifs. Il y a eu un moment où la propagande allemande s'est servie de Katyn. Jusque-là. En disant, voilà ce que les Juifs font, donc voilà ce qu'il faut leur faire avant qu'ils ne vous le fassent. Un aspect intéressant, c'est que les Anglais ont su très très vite la vérité. Il y a eu un rapport de la Croix-Rouge clandestin qui est parvenu à Churchill, à Londres, et Churchill a décidé que parce qu'il fallait maintenir à tout prix l'alliance avec Staline, on occulterait la réalité de Katyn. Et ça a été pendant la guerre, en ce qui concerne les Anglais, ça a été le cas après-guerre, en ce qui concerne les Américains, puisque le capitaine Hurl, qui avait été mandaté par Roosevelt, lui a remis un rapport allant dans le même sens, et il a été, en récompense de ce qu'il avait trouvé, c'est-à-dire la vérité sur l'affaire, muté aux îles Samoa. Bon, très loin. Très loin. C'est une façon de faire taire. Et donc, il a fallu attendre le déclenchement de la guerre froide pour qu'il parût opportun de dire la vérité à partir de 1951. Mais c'était un peu tard. Il a fallu longtemps pour que l'opinion occidentale soit finalement accessible à la vérité. Absolument. Avec en plus une tentative des Soviétiques de faire inscrire ça au cours du procès de Nuremberg dans l'acte d'accusation. Et là, ils ont échoué. Ils ont échoué et du coup, c'est passé comme une reconnaissance implicite par les alliés de la responsabilité soviétique dans l'affaire. Mais ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer de faire en sorte que Katyn soit joint à l'acte d'accusation des dignitaires nazis. Il a fallu en fait, véritablement, pour que les choses soient reconnues en tant que telles, attendre la glasnost. Un glasnost qui justement est un refus du mensonge. Absolument. Affiché. Transparence. Oui. Alors c'est ce qu'elle disait, oui, effectivement. Gorbatchev, en 1990, reconnaît la responsabilité des Soviétiques dans le massacre et les documents sont produits peu de temps après. Exact. Il faut dire que Khrushchev avait été compromis dans cette affaire, si bien qu'il n'avait pas ajouté le crime de Katyn à la liste de ceux de Staline qui dénonçait dans son rapport secret 1956. Absolument. Le mensonge, bien sûr, est très, très présent dans les régimes totalitaires, on s'y attend. Mais je voudrais maintenant, Jean-Jacques Courtine, que nous en venions au régime démocratique, au régime de liberté complète ou partielle. C'est à cela, finalement, principalement, que Swift se référait, des régimes où le scepticisme règne souvent sur la vérité et le mensonge. Tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Le physiquement, le mentalement, le vulgairement. Et le poliment, le béatement, et le tristement, et le sagement. Et l'idiotement, oui l'idiotement, et le sensément, et logiquement. Et le carrément, la cruellement, et l'abonnement, y'a que ma maman. Qui ment rarement. Tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Le sauvagement, le paisiblement, le socialement, et l'isolément, l'unanimement, et l'appartement, si les éléments, l'illégalement, le pénalement, oui le châtiment, immédiatement, et le jugement, et l'amendement, et le garnement. Ment certainement. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Le docilement, l'affranchissement, le laïquement, le dévotement, l'éternellement, et le diablement, oui assurément. Cet enfermement, c'est l'enfermement, le réellement, la troisièmement, la deuxièmement, sur l'événement, la premièrement, c'est du boniment. Continuellement. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Si la vache ment, alors le piment. Et si le piment, alors le léman. Bien sûr la jument. Et le caïman. Dans l'eau le sarment. Le chevènement. Le chevènement. Et l'allègrement. Et l'adroitement. Et l'extrêmement. Politiquement. L'investissement. Et le parlement. Ment communément. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Le terriblement et le gentiment. Le brutalement et le doucement. Le tranquillement, le férocement, héroïquement. L'ordinairement, ordinairement. Bien sûr l'armement et au régiment. Le généralement, le stupidement. Pas de traitement, le médicalement. Y'a pas de calmant. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Compris le principe, c'est devant cette chanson au Massilia Sound System, les de 1999, vous la trouvez lucide ou populiste? Je la trouve swiftienne, populiste méridionale en même temps. Swiftienne parce qu'effectivement cette idée que tout le monde ment est quand même inscrite au cœur même de l'art du mensonge politique. Sinon que si on doit alors pour le coup à nouveau se poser des questions de comparaison et de temps historique... Oui, on le doit. Le mensonge totalitaire auquel on vient de faire allusion n'est pas de même ordre que le mensonge démocratique. C'est-à-dire, d'un côté, on a, je dirais, des discours compacts, où quand même règne le contrôle de la vérité, le silence, et l'effacement de la mémoire. Et la peur, et la, et peur, la, peur, de, et la peur, peur de devant la vérité. La peur, la terreur, l'effacement de la mémoire. Orwell a très bien dit ça. C'est une des raisons pour lesquelles le thème du mensonge ou le règne du totalitarisme fait effectivement ressurgir immédiatement celui de la mémoire et de la nécessité de faire ressurgir ou de garder ou de conserver ce qui part dans cette memory holes, dans ces trous de mémoire que Orwell décrit si bien dans 1984. L'idée donc c'est d'arriver à restituer une vérité ou des éléments de vérité que le mensonge totalitaire aurait effacé. Swift vit et écrit dans un monde, l'Angleterre, du début du XVIIIe siècle, où il y a une certaine liberté d'expression qui a déjà été conquise. Il y a une certaine liberté d'expression. Il y a des affrontements aussi assez vifs. Swift était du parti des Tories, c'est-à-dire des propriétaires terriens, et il se battait contre les Whigs, c'est-à-dire des libéraux, qui étaient plutôt du côté du commerce. Dont l'affrontement va rythmer la vie politique anglaise jusqu'aux années 1920. Absolument. Quand les travaillistes surgiront. Donc du côté de cette fois-ci des mensonges démocratiques, on a quand même assisté à un changement de terrain. On n'a plus affaire à un ministère de la vérité, mais plutôt peut-être un ministère de l'indifférence. Les discours sont plus compacts, mais ils sont fluides, comme dirait Zygmunt Bauman. Tout ça coule, est éphémère. Les discours portent même leur date de péremption inscrite à la surface des mots. Et surtout, l'individualisation de la vie politique, la personnalisation de la vie politique a fait que le champ d'exercice du mensonge s'est déplacé très largement au champ de la vie privée. C'est ça quand même qui me paraît. Richard Sennett l'avait bien dit dans The Fall of Public Man. Il avait bien montré comment, à partir du 19e siècle, on voit de plus en plus la politique comme un exercice qui consiste à montrer quelque chose de son authenticité personnelle aux électeurs, au public, aux masses. Mais de ce point de vue-là, est-ce qu'on pourrait appliquer une grille religieuse à cette opposition à Swift? Il développe sa pensée, son action dans un monde protestant, en face du catholicisme, en particulier des jésuites, qui, avec Pascal, quelques décennies plus tôt, avaient été déjà mis en cause au nom du jansénisme. Vous rappelez que Pascal citait ce jésuite Sanchez qui disait que on pouvait dire qu'on n'avait pas fait une chose, quoi qu'on l'ait faite effectivement, en entendant soi-même qu'on ne l'avait pas faite un certain jour ou avant qu'on fût né, ou en sous-entendant quelques circonstances pareilles. C'est l'histoire de la femme de chambre qui accueille quelqu'un et qui dit « Madame n'est pas là » alors qu'elle est là, en mettant sa main dans sa poche et en comprenant à l'intérieur d'elle-même que c'est de sa poche qu'il s'agit. Absolument. L'ambiance du livre de Swift est peu religieuse, hein, il faut le reconnaître. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a en tout cas une différence certaine entre le monde catholique et ce jésuite que vous citez, qui est typique de ceux qu'on aimerait avoir comme confesseur. Hein. J'aimerais bien beaucoup pouvoir être absous de cette manière-là, si jamais j'étais chrétien. Je n'ai pas d'adresse pour vous. Non. Je ne saurais pas quoi en faire. Alors, l'ambiance de ce côté-là, de l'Atlantique, est une. De l'autre côté, elle est différente. Hein. J'anticipe un peu probablement sur ce que... Mais non, j'allais vous conduire vers Bill Clinton, qu'on a déjà entendu à l'intérieur de notre générique. Sur Bill Clinton et sur les origines ou les sources puritaines du rapport entre vie publique et vie privée aux États-Unis, qui jouent là, je pense, et qui pèsent de tout leur poids. Ceci dit, même s'il y a une spécificité américaine, la question de la psychologisation de la vie publique concerne les démocraties occidentales contemporaines. Le fait que l'exercice de l'exhibition du moi soit devenu un exercice essentiel quand on est candidat à quoi que ce soit. Écoutez, qui aurait pu penser qu'un jour, quelqu'un fasse une campagne présidentielle sur le thème « j'ai changé » Sarkozy. Mais c'était vrai, non? Écoutez, le problème c'est qu'on ne peut pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. C'est ça. C'est-à-dire que c'est 100 ans après Freud, un énoncé dont il est bien évidemment très difficile de dire, quand on sait ce qu'on sait sur le moi, ses illusions, etc., si on peut lui accorder une valeur de vérité ou pas. Donc ça, c'est une notion swiftienne. Il s'agit de faire en sorte que, bien évidemment, les énoncés que l'on produit ne puissent pas être confrontés à la réalité. Comment répondre à cet énoncé, ou accorder une valeur de vérité à cet énoncé « j'ai changé ». Est-ce que le président a changé? Il a changé de femme. Bon, certes, ça, on peut dire oui, c'est vrai. Mais a-t-il changé de caractère? A-t-il changé de nature? C'est ça la question. Or, c'est sur cette promesse-là de changement personnel, en particulier, que Sarkozy a bâti une partie de sa crédibilité politique. Et pour en juger, il faudrait une compétence sur ce qu'il fut naguère ou jadis par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, qu'effectivement peu de citoyens peuvent avoir. Absolument. Mais c'est surtout sur le terrain sur lequel cet énoncé se place. Mais Swift, vous utilisez toujours Swift, l'auteur de cet art du mensonge en politique, qui est au fondement de cette émission. Swift ne parle guère de la vie privée. C'est vous qui transportez ses propos et son ironie dans un champ qui est neuf. Absolument, dans les démocraties contemporaines. Qui est neuf. Notamment aux États-Unis, puisqu'on commençait déjà à parler de Clinton et de ce qu'on aura à en dire. Un champ politique qui est devenu quand même un espace d'exposition biographique. Eh bien, voilà Clinton, le voilà, vous l'attendiez, il paraît. Bon, je vais répéter ce que j'ai déjà dit hier. Ces allégations sont fausses. Et je n'ai demandé à personne de faire un faux témoignage. Une affaire qui fait la une des quotidiens depuis hier. Aucun Américain n'a pu y échapper. Point de départ, cette femme, Monica Lewinsky, stagiaire à la Maison Blanche en 1995. Elle aurait eu à l'époque, selon la presse américaine, une relation sexuelle avec le président. Hier soir, en direct à la télé, Bill Clinton a vigoureusement démenti. Je voudrais dire que je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme, ou toute autre sorte de relation d'ailleurs. Vous êtes certain ? Oui, je vous l'assure, il n'y a pas eu de relation sexuelle. Et dans cette affaire, je collaborerai de mon mieux pour prouver ma bonne foi. Alors voilà un beau mensonge, on le sait aujourd'hui, Jean-Jacques Courtine, le mensonge de Clinton que lui-même démentira ensuite. D'une certaine manière, ça a été une tactique clintonienne, comme ça, de petit à petit, de céder du terrain et d'avouer à mi-mot ce qui s'était produit. Il y a une grande comme leçon. Comme quand il avait dit qu'il avait fumé une drogue et qu'il n'avait pas avalé. Je n'ai pas. pas avalé la fumée. Qu'est-ce que pensez, si on joue à appliquer les propos de Swift à Clinton, qu'est-ce qu'il en aurait dit? Écoutez, il aurait été probablement surpris de cette polémique, puisque à l'époque, en tout cas dans la littérature swiftienne, les critiques qu'il adresse le plus violemment à ses contradicteurs Whigs, ce sont des affaires de corruption financière. C'est ça véritablement qui est la chose essentielle. Non, il faut attendre sans aucun doute le XXe siècle. C'est étonnant, parce que plus on s'éloigne des origines puritaines, plus au contraire les principes puritains ont l'air de se faire sentir dans la vie publique américaine. Curieux phénomène. Oui, la question aussi, pour le coup, et ça nous ramène à notre affaire, c'est pas simplement l'adultère, c'est la question du mensonge. C'est-à-dire, c'est la combinaison des deux qui est mortelle. Mais c'est surtout le mensonge, apparemment. C'est surtout le mensonge. C'est surtout le mensonge. Ça avait été déjà le cas à plusieurs reprises dans la vie publique aux États-Unis. Ça a été le cas, par exemple, pour l'élimination de Gary Hart, qui était en 87. Oui, il avait dit qu'il n'avait pas de relation extra-conjugale, et la presse, naturellement, l'a suivi. Absolument. A démontré le contraire. Tout à fait. Et sa carrière s'est arrêtée net. Absolument. Mais il y avait une sorte de death wish, comme on dit en anglais. C'est-à-dire? De volonté de mourir. Chez lui? Oui, c'est-à-dire d'être pris. Il avait dit ça, effectivement, mis la presse au défi, à la suite de quoi il les a conduits tout droit à l'hôtel où attendait une dame. Donc du coup, sa carrière politique s'est arrêtée net. Ça a été le cas à plusieurs reprises dans la vie publique américaine, surtout à partir des années 80, je dirais. Il y a eu un nombre de scandales beaucoup plus importants qu'auparavant. C'est dû à la fois à cette ambiance puritaine ancienne, mais aussi à l'accélération, bien sûr, du fonctionnement de l'appareil d'information. Les médias ont besoin, dans ce contexte de personnalisation et de psychologisation de la vie publique, ils ont besoin d'informations sur cet aspect-là des choses. Il y a une concurrence entre les médias féroces qui se met en place, et les journalistes ont changé d'attitude. Ils ont changé d'attitude en particulier après l'affaire du Watergate. Et ils sont passés de ce qu'on appelle aux États-Unis le « lap dog ». Journalism, c'est-à-dire le journalisme toutou, le journalisme petit chien de compagnie, à watchdog, c'est-à-dire le journalisme chien de garde. Et c'est le Watergate qui, de ce point de vue-là, a été le tournant, c'est-à-dire la combinaison d'une affaire de corruption et d'un mensonge politique. Eh bien, parlant du Watergate, je vais vous faire entendre un propos de Ben Bradley, qui était le directeur de la rédaction du Washington Post, qui a, comme vous savez, publié les enquêtes de Woodward et Bernstein, qui ont fini par abattre le président Nixon. Comment tout cela est arrivé? Comment tout a commencé pour vous? C'était quoi? Je me souviens plus. Je pense que c'était une samedi soir très tard. Moi, j'étais à la campagne pour la dernière fois depuis 10 mois. Et on nous a dit que le quartier général du Parti démocrate a été cambriolé. Et à ce moment-là, on a dit, tiens, 3 jours après, on a pu savoir et publier que ces cambrioleurs avaient dans leur petit cahier le numéro de téléphone, le nom de nommé Howard Hunt Et après Howard Hunt, le nom de Howard Hunt, on a lu WH et un numéro de téléphone. À ce moment-là, on a su qu'il y avait une relation. On ne savait pas quelle sorte de relation, mais il y avait une relation entre les cambrioleurs et la Maison Blanche. Ensuite, c'était l'histoire que cette affaire Watergate n'était qu'un seul exemple d'une campagne massive de sabotage et espionnage conduite par la comité de ce qu'on appelle CREEP, la comité de réélire le président. Quatrièmement, c'était le fait qu'on a trouvé et publié que M. Haldeman, qui est celui qui est le plus près de président Nixon, lui-même a été visé dans cette affaire. WH, naturellement, ça veut dire White House, la Maison Absolument. Blanche. Bradley s'exprime le 6 mai 1973 au micro d'Yves Mourouzi. Il ne sait pas encore, bien sûr, que cette enquête journalistique va aboutir finalement à la chute de Nixon. Rappelez-nous, s'il vous plaît, dans quelles circonstances? Oui, le Watergate, de ce point de vue-là, a été quelque chose d'important dans la vie politique américaine. Ça a été une sorte de séisme qui, d'ailleurs, a eu beaucoup donc, de chocs après cela. Et dans l'histoire du mensonge, c'est un épisode très important. C'est une histoire, absolument. Le mensonge démocratique. Parce que, dans le fond, bon, il y a eu, bien sûr, la question du cambriolage, de l'espionnage du parti adverse, mais il y a eu surtout le mensonge de Nixon qui s'est surajouté à ça. Et le mensonge de Nixon a fait poser la question du caractère du président comme un des éléments essentiels sur quoi sa crédibilité dorénavant s'appuiera. Et c'est la raison pour laquelle, dans la vie publique américaine depuis, il y a eu une succession comme ça, sur le mode du Watergate, de scandales bien évidemment moins importants, mais qui se sont appelés Iron Gate, Contragate, etc., qui ont décliné à l'infini la répétition de cette espèce de choc-là, un scandale politique suivi, ou en tout cas accompagné de mensonges politiques. Et donc, du coup, la question du caractère est devenue quelque chose d'absolument essentiel dans la vie publique américaine, le caractère des hommes publics. Il faut dire que Nixon s'est pris à son propre piège puisqu'il avait enregistré ses conversations Absolument. À l'insu de ses visiteurs dans son bureau, dans le bureau ovale, et que du même coup, il y a eu un choc entre, plus violent que dans d'autres circonstances entre ses mensonges et la vérité. Tout à fait. La révélation qu'a constitué le discours privé du président par rapport à son discours public a été un choc dont il ne s'est jamais remis. Donc il y a la question des conflits politiques, la question de la corruption, et puis il y a la question de la santé qui est importante aussi du point de vue de la vérité et du mensonge. Et là, nous revenons en France. Je voudrais que nous évoquions cette grande affaire de la santé de François Mitterrand, qui s'est notamment nouée autour de ce moment où son médecin particulier, Claude Gubler, a violé le secret médical pour raconter que dès 1981, à la fin 1980, peu de temps après son élection, François Mitterrand avait appris qu'il avait un cancer. Effectivement, c'est le signe que c'est sur le terrain de la vie privée, de la personnalisation de la politique, que dorénavant la question du mensonge se pose. Il y avait un précédent, c'était Georges Pompidou, qui jusqu'à la fin a nié ou souhaité qu'on nie le fait qu'il avait lui-même une maladie mortelle. Absolument, la santé était hors-jeu en quelque sorte, mais on réclame de plus en plus, alors c'est encore plus vrai de l'autre côté de l'Atlantique, mais ici aussi, une forme de transparence biographique, je dirais. Et d'où l'idée que tous les 6 mois, par exemple, on devrait publier le bulletin de santé du président. Tout à fait. Par exemple, John McCain donne à cet égard très peu de renseignements. Il les retient. Et on voit bien que cette question de la transparence biographique me paraît essentielle. C'est quelque chose qui, moins en France, mais aux États-Unis, oui, est lié à la question du choix pensé d'un homme politique, pensé comme un recrutement dans le cadre de la culture professionnelle d'entreprise aux États-Unis. Il y a quelque chose qu'on réclame d'une transparence des curriculum vitae. Mais là, on s'éloigne de Swift ou non? L'art du mensonge politique dans le domaine de la vie privée, votre cher Swift? Pas vraiment, dans la mesure où Swift, quant à lui, dans les critiques qu'il avait formulées à ses opposants Whigs, allait bien évidemment chercher du côté des affaires de corruption auxquelles ils étaient mêlés, mais bien évidemment la question de la santé ou la question des liaisons et de la vie privée, à l'époque, n'était guère d'actualité. Le débat qui s'est noué autour du livre de Gubler, oui. Peu de temps après la mort de Mitterrand, en 1996, il a été interdit par la justice, etc. Ce débat nous mène au cœur de la question de la vérité, parce que le secret médical, C'est quelque chose qui est d'un grand prix. Bien sûr. On a vivement débattu de savoir s'il était légitime ou non que le médecin d'un grand personnage de l'État révèle après coup et sitôt ce qui s'était passé contre le serment d'Hippocrate. Bien sûr. Mais le fait que cette question ait été posée, que quelque chose d'aussi ancien et d'aussi respecté que le secret médical ait pu être levé de cette manière-là, me paraît tout à fait indicatif de ça, de cette psychologisation de la vie publique dont je parlais. Alors revenons à la vie internationale, avec George Bush, pour finir, c'est-à-dire ce grand mensonge qu'a été l'affirmation que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, et que c'est un mensonge qui a fondé la guerre d'Irak. Et je vais vous faire entendre à nouveau le président George W. Bush. Nous sommes le 12 octobre 2001. Nous nous concentrons sur l'Afghanistan et les réseaux terroristes qui s'y cachent jusqu'à présent. Mais nous recherchons aussi toutes les cellules d'Al-Qaïda qui fonctionnent à travers le monde. Et si nous trouvons une base d'Al-Qaïda qui opère ailleurs, nous presserons le pays hôte de nous le livrer à la justice. Nous avons fait des programmes et ce sera une guerre longue contre les activités terroristes. Nous allons traduire aussi en justice tous les gouvernements qui abritent, parrainent et nourrissent les réseaux. Vous avez mentionné l'Irak, il n'y a pas de doute que son dirigeant est un homme du mal. Après tout, il a gazé son propre peuple. Et nous savons qu'il a développé des armes de destruction massive. Et je pense que c'est dans son intérêt d'autoriser le retour des inspecteurs dans son pays pour être sûr qu'il se conforme aux accords qu'il a signés. Et donc, nous le surveillons de très près. On était, je le rappelle, un mois après l'attentat d'Al-Qaïda contre les tours de New York. La question du mensonge par rapport à la guerre en Irak et du mensonge de George W. me fait penser à un autre mensonge ou à d'autres mensonges qui étaient apparus à l'occasion de la première guerre d'Irak, de manière plus flottante. Il se trouve que je vivais à cette époque-là aux États-Unis et je me souviens d'avoir vu à de nombreuses reprises dans le Los Angeles Times, que je lisais avec application, des descriptions des bunkers que l'armée de Saddam Hussein avait construit dans le désert. Même chose à la télévision, il y avait sans arrêt des images de ce type-là qui montraient les salles où les armes de destruction massive étaient entreposées, qui montraient la profondeur de ces bunkers. Il se trouve que quand l'armée américaine a débarqué dans le désert, les types étaient dans des sortes de tranchées avec des tôles sur la tête. Donc il y a eu déjà, dans cette première guerre d'Irak, beaucoup de désinformation. Mais c'est rien à côté, probablement, oui, de ce qui s'est passé pour la seconde, où Bush, à plusieurs reprises, a fait d'abord le lien qui n'était pas attesté entre Saddam Hussein, d'une part, et Al-Qaïda, d'autre part. Il s'agissait de vendre, comme on disait tout à l'heure, l'axe du mal au public américain, et où il a, à plusieurs reprises, là aussi, attesté la présence de ces armes de destruction massive, dont personne n'a jamais découvert la moindre trace. Alors là, oui, mensonge politique, dont il a ensuite continué à nuire l'existence. Chaque fois qu'il a été... Il a menti sur son mensonge. Il a menti sur son mensonge. Mais en même temps, il en a payé le prix après coup. Je ne sais pas si Swift, avec son cynisme, aurait prévu qu'à la fin des fins, le menteur était rattrapé par la vérité. La vérité le rattrape, quoiqu'elle le rattrape un peu tard, mais elle va peut-être avoir une manière de le rattraper en promouvant l'élection de quelqu'un qui, de ce point de vue-là, se situe à son opposé. Ça, on va voir, si vous permettez. Absolument. On va voir. C'est un souhait, probablement, que j'exprime. Comme disait Léon Blum à la fin de sa vie, je le crois et je l'espère, je le crois parce que je l'espère. Il faut se méfier pour la lucidité des prévisions. C'est vrai, quoi qu'il en soit, on verra bien, mais puisque vous parlez de la campagne électorale en cours, on est frappé de la présence réciproque d'accusations de mensonges. Les démocrates ont établi une sorte de compteur des mensonges de McCain. Absolument. Il y a des officines qui se sont constituées sur le mode de la défense des consommateurs, je dirais. C'est ça le modèle, qui viennent compter les mensonges politiques dans les discours des uns et les discours des autres. Alors, la chose, de ce point de vue-là, la plus embarrassante pour McCain me semble avoir été la révélation faite il y a peu de la part de ces geôliers vietnamiens à l'époque où il était prisonnier, de n'avoir pas été aussi maltraité qu'il le prétendait. Au contraire, d'avoir eu une sorte de régime de faveur. Or, son On a retrouvé un vieux vietnamien. Absolument. Un vieux geôlier vietnamien qui a dit qu'il avait été très bien traité parce que c'était un prisonnier de marque, son papa étant amiral, que les mauvais traitements, il n'avait guère subi, mais il ajoutait le geôlier vietnamien qui trouvait que c'était un type très sympathique et qu'il voterait pour lui s'il était américain et en état de voter. Être candidat à la présidence ou être candidat à la candidature, c'est être sûr que tout le détail de sa vie va être passé au crible d'inspecteurs de la vérité. Tout à fait. Farouche. Tout à fait. C'est l'effet biographique dont on parlait tout à l'heure. Et l'inspection du curriculum vitae, on commence à en avoir quelques exemples en France, hein, comme vous savez. Un autre exemple qui nous fait revenir en arrière au temps de la rivalité entre Hillary Clinton et Barack Obama, le 26 mars 2008, écoutez. C'était lors d'un discours sur l'Irak. Pour mettre en avant son expérience, Hillary Clinton se laisse aller à une petite digression et raconte son voyage en Bosnie en 96. Les années passant, elle a visiblement oublié quelques détails. Je me souviens de l'atterrissage sous des tirs de sniper. Il devait y avoir une cérémonie de bienvenue, mais en fait, nous avons couru tête baissée jusqu'à nos voitures. Les images tournées à l'époque par CBS sont accablantes pour l'ancienne première dame, très détendue au contraire avec sa fille Chelsea à son arrivée à Tuzla. Séance photo sur le tarmac, les officiels sont tous sourires, aucun danger en vue. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il y avait des coups de feu autour de cette zone quand nous avons atterri, ce qui est vrai. D'après son porte-parole, Hillary Clinton certes a du mal à s'exprimer, mais elle est bien allée dans une zone de combat potentiel, dit-il. Trop tard, le mal est fait. L'équipe de Barack Obama affirme déjà qu'Hillary Clinton ment et exagère son expérience en matière de politique étrangère. Je ne sais pas si Hillary Clinton a fait du petit livre de Swift, L'art du mensonge politique, son ouvrage de chevet, Jean-Jacques Courtine. J'ai pas l'impression. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on réclame d'une femme candidate à une fonction d'avoir elle aussi subi l'épreuve du feu. C'est ça qui la pousse à probablement exagérer cette espèce d'hyperbole. Il y a une ancienne tradition, et Bush s'en est beaucoup servi, qui veut que la posture virile soit quelque chose qui soit réclamé pour un candidat à la présidence. Ça fait ressurgir le temps où les hommes publics devaient avoir dans leur biographie quelque chose de militaire. Le général de Gaulle, le général Eisenhower. Le général de Gaulle, il avait commencé tôt, oui. Certes. Mais il y a eu à certains moments dans la vie publique, une confusion de ces genres-là, le genre militaire et le genre politique. Et il faut quand même qu'un héroïsme quelconque soit attesté. Encore que l'héroïsme en question puisse être beaucoup plus fictif que réel. Regardez Reagan, qui avait simplement fait le pilote dans les studios de Hollywood pendant la guerre. Kerry, héros de guerre, battu par Bush, qui avait été planqué dans la garde territoriale grâce aux relations de son papa. Bush avait été planqué alors que Kerry avait été un vaillant combattant. Tout à fait. Mais il y a quand même cette nécessité-là. Il y a pour celui qui doit être commander-in-chief, la nécessité d'avoir de près ou de loin, visiblement dans le cas d'Hillary Clinton, connu l'épreuve du feu. Alors dans la dialectique entre le dirigeant et le peuple, tel que l'analyse Swift dans son livre, cette dialectique s'applique ou ne s'applique pas aujourd'hui? Écoutez, la question est de savoir ce que le peuple croit au bout du compte. C'est-à-dire la manière dont l'accumulation des mensonges politiques peut produire des effets. Où en est-on de ce point de vue-là? Quel degré de vérité est-ce que le peuple peut attendre des hommes politiques qui lui mentent depuis si longtemps? On ne peut pas simplement s'en tenir pour ça à considérer uniquement la question du discours. Parce que bien évidemment, dans la question du discours, les mensonges courent et volent. Il y a quand même la question de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des moments, bien que le mensonge politique s'efforce de mettre le discours à l'abri du réel, où il y a des retours de cette réalité qui sont mortels pour le mensonge en question. C'est ce qu'Anna Arendt racontait, non? Ce qu'elle a raconté sur le mensonge... Elle a écrit sur le mensonge. Sur le mensonge, absolument. Sur le mensonge politique. À l'occasion, au moment du Watergate, d'ailleurs. Au début des années 70. Absolument. Et des papiers du Pentagone sur les mensonges américains au Vietnam. Elle parlait à ce moment-là de ces spécialistes de la résolution des problèmes. C'est comme ça qu'elle les appelait, c'est-à-dire ces bureaucrates spécialisés dans la fabrication des discours officiels, comme celui qu'on a entendu tout à l'heure fabriquer des discours de George W. Bush, en disant que c'était ça leur préoccupation principale, tenir tous ces mensonges à l'abri de toute contradiction possible avec le réel, maintenir comme ça leur vraisemblance. Alors, ceci dit, il y a des moments quand même où c'est pas véritablement quelque chose qui est tenable et où le mensonge bute sur l'écueil de la réalité. Alors je voudrais que nous terminions par une révélation que je gardais pour la bonne bouche, Jean-Jacques Courtine. Nous venons de parler de l'opuscule de Jonathan Swift, L'art du mensonge politique, annonçant un livre qui n'est jamais paru. Or, vous nous dites maintenant que... Le livre en question n'est pas de lui, n'est pas de sa main. Alors effectivement, les meilleures autorités... C'est un véritable coup de théâtre pour nos auditeurs. Théâtre, absolument. Les autorités littéraires les plus sérieuses lui ont attribué. Le catalogue de la Bibliothèque nationale, d'ailleurs, toujours, si je ne m'abuse, à moins qu'il ait été rectifié depuis l'apparition, j'espère, de ce petit ouvrage. Je suis sûr que les responsables de la bibliothèque y veilleront promptement s'ils n'ont pas encore fait. Absolument. Il était la main d'un des amis de Swift, qui faisait partie avec lui du Scriber's Club, Pope, Gay et Arbuthnot. C'est lui, l'inventeur du caractère de John Bull, l'anglais. Il a fait un livre sur John Bull, qui est le symbole de la Grande-Bretagne, comme Marianne est notre symbole. Tout à fait. Et donc, Arbuthnot, donc. Arbuthnot. Alors, ces gens-là écrivaient parfois sous l'anonymat, leurs écrits paraissaient ensemble, ils ont souvent été confondus, donc Swift s'est vu attribuer, on ne prête qu'aux riches. C'est un mensonge par addition, c'est un mensonge selon la par catégorie que vous définissiez tout absolument. À l'heure. Absolument, un mensonge par addition ou par translation. Il a attribué plus de gloire à Swift qu'il ne pouvait et devait en avoir. C'est la raison pour laquelle, pour corriger cet aspect-là des choses, j'ai fait figurer dans l'édition un texte de Swift lui-même, tiré d'un magazine d'époque qui s'appelait The Examiner. Le 9 novembre 1710. Absolument, qui est consacré au mensonge politique. On retrouve quand même la vérité finalement pour parler du mensonge. Ouf, il était temps, il était temps. Merci beaucoup. Merci Jean-Jacques Courtine. L'ouvrage sur lequel nous avons fait fond au cours de cette conversation, c'est-à-dire celui qui est signé. Mais j'observe que vous l'avez quand même gardé, la signature Jonathan Swift. Absolument, vous n'avez pas l'impression d'avoir menti. C'est un demi-mensonge, puisqu'il y a à l'intérieur du livre quelque chose qui est véritablement de la plume de Swift. Eh bien, allez en paix, mon fils. Vous ne serez pas puni. Merci, mon père. Vous avez donc publié ce petit livre chez Jérôme Billon en 2007. Je signale deux ouvrages importants qui sont également de votre plume. Vous avez collaboré à la fameuse, désormais fameuse, Histoire du corps, qui est parue en trois volumes au Seuil, en 2005-2006, avec Georges Vigarello en particulier. Et puis, vous avez donné, il y a quelques années, une Histoire du visage, qui est rééditée récemment chez Payot. Le visage peut mentir. Oui, le visage peut mentir. La dissimulation était un grand laboratoire du mensonge du corps. C'était cet aspect-là des choses, ou un de ces aspects-là, qu'on avait, Claudine Haroche et moi, développé dans l'histoire du visage. Oui, parce qu'en effet, Claudine Haroche signe ce livre avec vous. Il y a un mensonge du corps, donc. Il y a un mensonge du corps. En tout cas, il est plus délicat à utiliser, et les théoriciens du mensonge, qui ont été Castiglione, Gracian, y ont prêté beaucoup d'attention. Notamment sur la question du visage, l'impassibilité, de rien montrer, au contraire, montrer des choses que l'on calcule. La question du calcul. Ne pas rougir. Les bons menteurs dont parlait Swift, c'est ceux qui gardaient poker face, un visage absolument. De joueur de poker. Tout à fait. Tout à fait. Vous retrouverez toutes ces informations et les références des documents sonores que nous avons utilisés sur le site internet de France Culture, à la page Concordance des temps, que vous trouverez facilement. Vous pourrez également réécouter et télécharger cette émission. Et puis, si vous en avez le goût, nous écrire. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet avec Agnès Chauveau, avec Meryl Moneghetti, Patrick Molinier à la réalisation, Jean-Frédéric à la prise de son, Virginie Gresset et pour les archivinats, Florence D'Artois. Vous venez d'entendre une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 25 octobre 2008 et qui s'intitulait « Le mensonge en politique » avec Jean-Jacques Courtine. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour l'émission où j'avais invité Isabelle Chevrel qui s'intitulait « Babar est-il immortel, Babar ?» Elle avait été diffusée pour la première fois le 20 avril 2019.